Des rêves oubliés, des nuits qui sont si longues qu'on en oublie le jour. Il est raconté parfois, dans des rêves oubliés, que de ces sociétés qui existaient ces jours, ce n'est point la mort qui les avait tuées, mais qu'elles ont disparu dans un rêve un jour, et que leurs habitants peuplent nos souvenirs, ainsi de société et de siècle en siècle. Le prix d'un silence est-il une cruauté? Le silence d'or et la parole d'argent, et de ceux qui torturent la vie, l'homme de la terre, ont-ils un prix au temps? Pour nous faire présenter toute leur ignominie, il y a des temps de cela, la peine était de mort. Quand on coupait une tête, combien de têtes tombaient? Mais certains révoltés disaient, la peine qui est de mort est une abjection, nous ne pouvons supprimer la vie. Et les sociétés futures diront peut-être, tout est commerce, le diable est un commerce. Mais n'est-ce l'Europe du pire? L'histoire l'aurait déjà prouvé. Ne faut-il pas mieux couper des têtes? Si une tête de coupée en fait tomber sans autres, c'est sans autres qui ne formeront pas, par exemple, une secte d'assassins. Oui, rétorquait un autre, mais nous ne sommes pas à l'abri de devenir fous. Que faire si le monde est folie? La grotte socratique est un être abyssal. Un autre rétorqua, mais qui touche la folie? N'est-ce l'immortel ou l'homme qui prêche une religion? Ne sont-ce pas eux les coupables, ou certains d'entre eux, du mal d'une société? Ne serait-ce pas cela qu'il faut juger, à l'heure de l'eugénisme? Quel immortel faut-il condamner? Quelle religion est une atteinte à l'homme? Quelle secte voudrait détruire le monde? Dans les rêves oubliés, l'enfer n'existe plus. Car un rêve qui revient est une histoire de l'homme. Rêve des oubliés.